Thank you. Hey, hey, hey, you, hey, you. Are you ready? It's very hard to sing. Your volume is... I'm looking for... Ça va être un peu dur parce que... Parce qu'elle chante très aiguë cette fille. Farmer sans contrefaçon. Intégralité des paroles. Hey, hey. Hey, hey. Are you ready? Puisqu'il faut choisir. Are you ready? Are you ready? Karl Popper is good. Puisqu'il faut choisir un monde où je peux le dire sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir. Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Tout ce dans mon placard, les yeux cernés de noir. À l'abri des regards, je défie le hasard. Dans ce monde qui n'a ni queue ni tête, je n'en fais qu'à ma tête. Un mouchoir au creux du pantalon, je suis chevalier d'Iron. Allez les guitares! Il manque un truc. Il manque. J'entends pas la basse. One, two, three, four. Puisqu'il faut choisir un mot, je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir. Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. À l'abri de... Regarde, je défie le hasard. Dans ce monde qui n'a ni queue ni tête,

c'est bien, Jean-Pierre, c'est bien. Je crois que Mylène, elle va t'embaucher pour la prochaine tournée. rest in shame. And I'm in sweet school of play on back in love. And never when you said I was walking. Maybe I was joking when I said I was running on you. I could be wrong, so wrong. I could be wrong, so wrong. I don't know what's in this say. This is a travel from that way. Maybe it was over. Maybe it was over. I could be wrong, so wrong. Yes, I could be so wrong. Maybe I was joking when I said that I was running out of you. I don't know, but it is the same. Maybe it was over. Come on! Maybe I was joking when I said I was running out. Maybe I could be wrong, so wrong. Yes, I could be wrong. I don't know, but being said, this is a travel from air to air. I say maybe. Maybe. Maybe all. Stop. Arpeggiator. Maybe. Bonsoir, c'est François, François. Quiz, quiz, c'est François, François, ce soir. J'ai ajouté une chanson de Claude François. Parce que Claude François, il manque vraiment ce soir. Je chante par la police. Ça s'en va et ça revient, oui. Ah, harmonica. Et maintenant, nous allons faire une chanson pour la cagnotte de la police française. Nous allons bientôt arriver à 2 millions d'euros, mes amis, mes amis. Mes amours, mes amis, mes emmerdes. Non, ça c'est... Sont payés pour ça. Et demain, c'est les gilets jaunes qui débarquent à Paris avec tous les gitans de la France. Avec les manèges, les caravanes et tout. We'll be right back. words to the eye, another one, everyone to drink. Attends, je vais la refaire. Je la refais. 1, 2, 6, crack. 1, 2, 1, je recommence, je recommence. 1, 2, 3, 4. Rockin' around the wall, rock. You were the one who told me better. This autumn bring me down. You were the one who told me I got to move to Memphis. What I do? Gonna move to Memphis and follow you. Try that way, door to your doorway. Gonna move to Memphis, be with you. Come on. On the day you walked away, I was the one who said, better stick around, stay in tow. You were the one who told me you got to move to Memphis, that's what I will do. Gonna move to Memphis and follow you. Try that away, door to your doorway. I said, gonna move to Memphis and be with you. Move to Memphis. Come on, play the guitar. Rock around the world around. You were the one who told me better. This autumn bring me down. You were the one who told me. I must go. I'm sorry. The last. On the day you walked away, I was the one who said it.